Chapitre 4. L'instigateur du complot. Peu de gens savent l'influence qu'avait le prince Serganov pendant les jours qui précédèrent la révolution russe. D'un geste, il pouvait faire disparaître des centaines d'hommes et de femmes. Un signe de lui, et mille flatteurs accouraient à ses pieds. Cet homme était un tissu de contradictions. Raffiné dans son élégance, il achetait ses chaussettes à Paris, ses souliers à Vienne, ses cravates à New York, et l'on racontait qu'il avait fait le voyage de Londres pour choisir lui-même des valises à son goût. Brun au teint pâle, avec des moustaches fines, une silhouette mince, toute sa personne donnait une impression de jeunesse et d'insouciance. Son appartement, situé dans la Morskaya, était une merveille de confort et de luxe. Dans cet intérieur, meublé et orné à sa fantaisie, le jeune prince, ayant réquisitionné la science moderne à son service, en avait si habilement déguisé l'application qu'il eût été impossible de deviner par quel extraordinaire mécanisme marchait la vieille horloge anglaise du hall, ou par quel moyen, non moins étrange, une douce lumière était diffusée à profusion dans la grande salle, en dehors du magnifique lustre à 100 bougies. Malheureusement, ce gentleman au goût délicat, cet amateur de bibelots et de jolis chiens, qui n'hésitait pas à payer 1000 roubles une légère opération faite à son lévrier favori, pouvait être, à 16 heures, d'une incroyable cruauté. Lui qui frissonnait et s'enveloppait de fourrure au premier souffle d'octobre, envoyait en Sibérie nombre d'hommes et de femmes, sans en éprouver la moindre émotion. Personnellement craintif devant la souffrance, au point que les honoraires de ses rendez-vous de dentiste, manqués faute de courage, eussent entretenu une famille aisée pendant 12 mois, il regardait souffrir les autres avec une indifférence absolue. Il pendit de ses propres mains l'assassin Palatov. On le vit pâlir, il est vrai, au cours de l'opération, mais on découvrit par la suite les véritables causes de ce trouble. Le condamné, ayant le plastron de sa grossière chemise attaché avec une épingle de sûreté, l'épingle s'était ouverte et avait fait une égratignure au doigt du bourreau amateur. Le prince était, ce soir-là, assis devant la haute glace de sa chambre à coucher et contemplait pensivement son image. N'était-ce pas celle du seul homme auquel il put se fier? Il semblait converser avec le beau jeune homme reflété par la glace et au bout d'un moment, il fit un petit signe de tête comme pour conclure un entretien. Il sonna, un valet de chambre parut. « Le grand-duc est-il sorti ? » demanda-t-il. « Oui, Excellence. » « Et la grande-duchesse ? » « Sortie également, Excellence. » « Bien. » « Son Excellence est-elle guérie de sa migraine ? » « Presque. » « Allez à l'appartement de leurs altesses et dites à leur domestique. » « Comment s'appelle-t-il ? » « Bulba, Excellence. » « Oui, c'est bien celui-là. Dites à Bulba de venir me parler. J'ai une commission à lui faire de la part du grand-duc. » Un moment après, Bulba fut introduit. La somptueuse livrée que portait le maître d'hôtel à Kiev était remplacée par un simple habit noir. « Laissez-nous, » dit Serganov au valet de chambre. « Bulba, viens ici. » Et lorsqu'ils furent seuls, baissant la voix, « Tu m'as joué un sale tour, gredin. » « Excellence, » protesta l'homme avec énergie, « j'ai fait tout ce qui m'était possible. »« Tu as mis ma vie et ma fortune entre les mains d'un bandit américain. » « Si c'est ça que tu appelles faire tout ce qui était possible, prends garde, de plus grands personnages que toi ont disparu de la circulation. Illustre Excellence, » reprit le domestique, très agité, « je vous jure que j'ai accompli vos ordres de mon mieux. Il y avait plusieurs raisons pour que je ne confie pas l'affaire à la société secrète. La première, Excellence, est que le grand-duc est bien vu de ce campement. Il n'a jamais opprimé les humbles et c'est le seul membre de la maison impériale qui soit populaire dans notre... dans la société. Notre société. Remarqua Serganov en ricanant. Continue. En outre, Excellence, il était nécessaire non seulement d'assassiner le grand-duc, mais de supprimer son assassin. Notre plan était de faire tuer le grand-duc par l'Américain pendant la promenade matinale de son Altesse dans le parc. Ensuite, de faire tuer l'Américain par un des membres de la société. C'était certainement une bonne idée, car nous nous assurions de cette manière le silence du meurtrier et l'impunité de son assassin, dont l'acte aurait été vu avec indulgence par le gouvernement. « Et ce fameux plan a échoué misérablement, chien que tu es !» Il sauta sur ses pieds, les yeux étincelants, et Bulba fit un pas en arrière. « Attendez, Excellence, j'ai en tête un autre projet. Si je n'avais su davantage, j'aurais été plus utile à votre Altesse. Jusqu'à présent, j'ai tâtonné. Alors tu t'imagines que je vais te mettre dans mes confidences? Tu me crois fou? Dis-moi ce que tu as deviné. Allons, assieds-toi. Bulba essuya son front moite. J'ai pensé, dit-il plus bas, que si le grand-duc meurt, l'illustre seigneur qui héritera de ses états n'héritera pas de son titre. Serganov lui jeta un regard perçant. Cet homme venait d'exprimer une difficulté que depuis des mois il cherchait à résoudre. Eh bien, puisque l'illustre seigneur n'est pas héritier direct, le tsar seul peut lui conférer le droit de porter le titre. Par conséquent, l'assassinat de Yaroslav ne suffira pas. Une chose peut se produire pourtant, c'est que le grand-duc tombe en disgrâce et que sa majesté impériale donne le titre à un personnage plus digne de le porter. Je sais tout cela. Après, eh bien, Altesse, ne serait-il pas opportun que le grand-duc fût rappelé à Saint-Pétersbourg pour répondre à certaines accusations formulées par un illustre seigneur? Quelque temps après, Yaroslav peut mourir, c'est bien facile. La Russie croira qu'il a été assassiné par le parti de la cour, où il n'est pas très en faveur en ce moment. Serganov secoua la tête. Il l'est encore trop, malheureusement. Continue, drôle, tu as une idée derrière la tête. Bulba se pencha davantage encore vers le prince. Supposez que le grand-duc ou la grande-duchesse soit mêlé à quelque complot contre la maison impériale et que le fait soit contrôlé par un témoignage incontestable tel que celui de la police de Londres. Supposez que le grand-duc ou la grande-duchesse soit affilié à une société secrète ou prenne part à un meeting d'anarchistes. Votre Altesse voit-elle où je veux en venir? Je vois, mais ils ne vont pas dans les meetings anarchistes, imbécile. Ils n'y ont pas été jusqu'à présent, Altesse, mais je me fais fort d'attirer la grande-duchesse dans une de ces réunions. Je m'arrangerai pour que la police fasse une rafle ce soir-là. Serganov posa le stick qu'il serrait dans sa main depuis quelques minutes. Tu as de l'esprit, Bulba. Un de ces jours, je t'emmènerai à Saint-Pétersbourg et je te donnerai une place dans mon personnel. À moins que tu n'en saches trop long. Il se mit à arpenter la pièce, les mains croisées derrière le dos et reprit. Si tu rencontres de nouveau l'Américain, amène-le au meeting et offre-lui hardiment de partir pour Saint-Pétersbourg afin d'attenter à la vie du tsar. Il refusera, Excellence. Qu'il refuse ou non, ça n'a aucune importance, dit le prince impatiemment. Il suffit que la proposition lui ait été faite. Du moment que la grande-duchesse aurait été surprise au milieu de ses canailles, conspirant contre la vie du tsar, elle sera immédiatement arrêtée. Ô Altesse, quelle idée merveilleuse! S'écria Bulba, les yeux brillants. Serganov continua à marcher de long en large, puis soudain. Je vais préparer cette descente de police. C'est facile quand je suis en rapport avec Scotland Yard. Il vaut mieux que je sois présent là-bas, moi aussi, puisque je dois jouer un rôle dans l'affaire. Mais comment vas-tu obtenir la venue de la grande-duchesse? Ayez confiance, Altesse, mon plan est fait.